Ben, je suis content de partir avec toi. Ouais, ben, je suis content de me sentir avec toi. N'a ramassé un peu d'argent, ranger les meubles chez les parents. N'a décidé d'aller se promener un petit bout de temps. Ben, je suis content de partir avec toi. Ouais, ben, je suis content de me sentir avec toi. M'en va chanter ici et là, m'a essayé de vivre de ça. On s'enivrera toutes les minutes qui nous restera. Ben, je suis content de partir avec toi. Ouais, ben, je suis content de me sentir avec toi. Falloir s'aimer de ville en ville de plus en plus. Falloir se dire jour après jour tout ce qu'on a vu. Ben, je suis content de partir avec toi. Ouais, ben, je suis content de me sentir avec toi. On traînera pas des vieilles bébelles, on se sentira même pas loin d'elles. Je vais juste cacher quelques doux jeux d'aquarelle. Ben, je suis content de partir avec toi. Ouais, ben, je suis content de me sentir avec toi. Donnera pas de nouvelles trop souvent. On va revenir au bon moment. Maman, ben, je suis content de partir avec toi. Ouais, ben, je suis content de me sentir avec toi.